de sang sur un cerisier blanc, quelques mots endormis dedans. 100 fois un sentiment dans un écran vain, noir. Quand même le héros perd espoir. Qu'est-ce qui était la couleur des mots, derrière la douceur. Celle de Californie, douce mélancolie, cueillir une fleur de printemps. 100 fois